Le groupe de visite dans la patrie des élèves coréens des écoles secondaires du cycle supérieur au Japon, conduit par Kim Chan-ho, directeur de l'école secondaire des cycles inférieurs et supérieurs de Kanagawa, a déposé le 2 juin les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.